Les mass-médias de divers pays ont traité du 7 au 13 décembre les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. Les agences de presse TASS et Deveros de Russie, les réseaux Planète, Information, de la Radio Internationale, de la Jeunesse et Guangming, le journal Nouvelle de la Planète, les journaux Tagombao et South China Morning Post, et la télévision satellitaire Phoenix dans Hong Kong de Chine, les agences de presse Godo et Jiji et la télévision NHK du Japon, les journaux Hanoi Mui et Taïnien et les journaux d'internet Tin Mui et Bao Mui du Vietnam, le journal thaïlandais Bangkok Post, les journaux de Global New Right of Myanmar et The Mirror Daily et la télévision du Myanmar, les journaux Dawn, The Nation, Pakistan Observer et Express Tribune et la télévision du Pakistan, le journal indien Asian Age, l'agence de presse britannique Reuters, le journal d'internet français 20 minutes, la radio états-unienne CNN et les pages internet du Comité national nigérien d'études du communisme Kim Jong-unisme et du Comité national d'études des études justées du Congo démocratique ont rapporté que le maréchal Kim Jong-un a dirigé l'exercice de combat des militaires du bataillon d'opérations spéciales directement relevant de l'unité 525 de l'armée populaire de Corée. Le journal d'internet russe Prima Perimon a écrit qu'il a dirigé les exercices de ski du bataillon de l'infanterie alpine relevant de l'unité 1045 de l'armée populaire de Corée. L'agence de presse d'internet russe Data et l'homepage d'internet russe Irkutsk Blog Spot.ru ont annoncé qu'il a dirigé la compétition de pilotage des commandants des forces de l'air et de DCA de l'armée populaire de Corée 2016. Les mass-médias ont présenté les photos du maréchal Kim Jong-un.